manque un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG90.7 de la bande FM et le RIGFM.fr pour écouter et poursuivre cette émission Johnny de A à Z qui fête bientôt ses 20 ans. Ça sera le 23 juin ici en direct de la radio RIG sur Bordeaux, hein, et vous pourrez l'écouter aussi sur Internet également. Aujourd'hui, je vais vous proposer, oui, c'est le premier mercredi du mois, mais le dernier mercredi de la saison 2020-2021, je vais vous proposer John Hayday pour terminer cette saison en live avec une série de bootlegs. Des bootlegs tout le long de la soirée, plus de 2 heures de musique avec Johnny Hayday en live. On va retrouver Johnny Hayday de 1968 jusqu'en 2006. On sera en France, en tournée en France. On sera aussi en Italie également. On ira du côté de Paris, on ira du côté du sud, du sud-est, du sud de la France. Que vous soyez à la maison ou dans votre voiture, on va voyager en écoutant Johnny Hayday, aussi bien chantant en français qu'en anglais. Mais oui, il y aura un petit rappel des émissions précédentes. Si on commençait tout de suite par le premier extrait que je vais vous proposer, c'était en 1968. Johnny Hayday chantait du samedi 9 au lundi 11 novembre au Palais d'hiver de Lyon. Il donne donc 4 concerts, dont 2 le dimanche, en matinée et soirée. Et de larges extraits de ce concert, filmé par Guy Job, sont diffusés à la télévision le 31 décembre suivant sur la deuxième chaîne de l'émission Surprise Party. Le lundi soir, les fans lyonnais l'accueillent en brandissant des panneaux sur lesquels ils ont écrit en grosses lettres noires « On veut ton plat ». Johnny. Ce que le public veut, à l'issue d'un spectacle délirant et grandiose, Johnny explose son plâtre contre le pied du micro sur les dernières mesures de Cours plus vite Charlie. Sa blessure s'ouvre gravement. Il est rapatrié d'urgence à l'hôpital. C'était du pur l'idée. Pour raconter pourquoi Johnny avait un plâtre, il s'était cassé la gueule dans la fosse d'orchestre en donnant un concert à Johannesburg, donc pied plâtré. Et puis évidemment, Johnny aime faire le show comme d'habitude. On attaque tout de suite. Donc, Johnny a aidé à Lyon. C'était en 1968. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Johnny de A à Z. Dans les rues, tout le temps, avec les mêmes copains.

1970 pour retrouver le Johnny de 1971. C'était à Bruxelles le 3 juillet 1971 et nous interprète la fille aux cheveux clairs. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z ici sur RIG et ce soir c'est des live bootlegs. Mais aujourd'hui, on est là.

monsieur Claire, je veux conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Nous quittons Paris. Et dans la foulée, il quitte sa veste en chemise blanche de satin, ceinture métallique, pantalon vert, il l'attaque. Nous sommes à Nouméa, au Rex, le 3 mars 1972. Nous sommes à Tahiti, Nouvelle-Calédonie plutôt. Je vais sentir mon bas-ventre comme une flamme qui m'a brûlé toute la nuit. Je te verrai, il m'a brûlé. Je t'ai cherché partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir.

everybody. I said, shake, baby, shake. La semaine dernière, lors de l'émission Les versions étrangères et les versions françaises, ce petit concert que Johnny avait donné sur la chaîne Rai ou non en Italie. On va du côté de Narbonne, nous sommes le 27 juillet 1975. Ce concert a été diffusé sur RMC le 27 juillet 1975. Voici un extrait de la fille de l'été dernier et Johnny revient. Vous écoutez Johnny de A à Z, ici et nulle part ailleurs, sur RIG, oui, oui, ici, tous les mercredis, de 22h à minuit. Du travail à faire. Oui, papa, je me demande la culotte faire pour me trouver la fille de l'été dernier. Elle m'a donné mon discours et j'ai soigné ma voiture. Mais mon père et ma mère m'ont retiré leur voiture. À faire, fils, pas de balade. Tu es trop jeune pour voter. Oui, papa, je me demande ce qu'il y a de pire que de vouloir arriver une fille en été. Je voudrais vous chanter une chanson à propos d'un garçon qui s'appelle Johnny B. Goode. sortir de scène. Son orchestre joue les dernières mesures de Johnny B. Good. Johnny est littéralement en sueur. Je veux dire qu'il y a plusieurs jeunes filles qui se sont précipitées sur lui pour l'embrasser. Elles ont été gentiment relancées dans la foule d'ailleurs. Johnny revient. Peut-être chanter une autre chanson. Ce sera un cadeau supplémentaire puisqu'il devait s'arrêter après Johnny B. Good. Oui, il va chanter une autre chanson. Il demande au public laquelle ils veulent. J'ai l'impression... Est-ce que vous voulez entendre une valse? J'ai l'impression que ça va encore être du rock'n'roll. Est-ce que vous voulez entendre du tango? Non, ce ne sera pas une valse, mais ce sera un T-Rock que vous allez écouter, puisqu'on va aller du côté de Palavas-les-Flots 1978. Ben oui, bien sûr. Palavas-les-Flots, c'était le 13 août 1978. Je ai été l'interprète Gabriel. Il y aura aussi le second titre de Palavas, La Première Pierre. Vous écoutez RIG, la radio de Genève, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. C'est l'émission Johnny de A à Z. Parlez maintenant d'une fille que vous connaissez très bien. Vous la connaissez tous. Tous très très très bien. Vous voyez qui fait dire. Alors d'une passion, non. Comment dites. J'ai pas compris. La mec. Faudrait que j'entende tout le monde ensemble me dire son nom. Ah bon, Gabriel. Je crois dans mon esprit ton amour est tendre, ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je veux chaque chose. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et attendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fille, fais pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Si dans le ciel, sur le jour, je fais ma belle portable de l'amour. Une bonne chance à celui qui veut ma peine. Il a le chêne sur le jour, c'était ma peine par terre de l'amour. J'ai refusé. Gabriel, je porte dans mon cœur, c'était une illusion de douceur. Et tu chantes. Tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais toujours de le jour tu t'en fais. Moi, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je le aux arènes de Palavas les Flots le 13 août 1978. Voici tout de suite la première pierre. Journée de A à Z, spécial live bootlegs. Oui, des bootlegs, on en a aussi, mais on a aussi des émissions radio. Comme celle-ci, c'était, je ne sais plus quand. C'était en 1979, oui, pour la Grande Parade. Exactement, Grande Parade de 1979, avec deux titres, Elle m'oublie et Dommage. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des mal fait, elle pense à Dieu, c'est quoi, le soleil disparaît, et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un rire et sourire.

À présent, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, vraiment du Tipiak à gogo jusqu'à, mais donc voilà, jusqu'à encore une bonne heure de Tipiak. Et là, nous sommes à présent le vendredi 26 octobre 1984, trois générations réunies dans une salle archi-comble pour faire un triomphe à Lidl qui s'est autorisé un budget de 3 milliards de centimes et au Zénith pour amortir le coût de la production. La maison de disques publie en avant-première un double album en faux live enregistré lors de répétition avec applaudissements ajoutés. On fait tout, même votre animateur Eric fait tout pour que sorte ce fameux live, vrai live du Gin Johnny au Zénith. Voici le premier medley rock'n'roll de ce premier soir au Zénith. Oh,

1983 pour rejoindre l'année 1991. Nous sommes dans les arènes de Arles, le 17 juillet 1991. Deux titres, je vais vous proposer. Montilou ainsi que Cadillac. Vous écoutez Johnny Hallyday en live ici dans l'émission Johnny 2 à Z sur RIG. Le futur. Cadillac est parti.

Vous vous demandez peut-être, il serait temps de vous dire, mais le son n'est pas terrible, si terrible que ça. Mais c'est très simple. Hein. Oui, merci Johnny. Vous dites, mais oui, ce sont des tipiacs, ce sont des enregistrements pirates, tout simplement. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? En vacances? Il fait beau? Vous êtes heureux? Et là maintenant, on quitte 1991 pour arriver en 1993 avec la tournée Retiens la nuit. Johnny était à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il interprète une grande version de Hey Jane. Dans l'émission de Johnny de AZ, ce soir, ce sont les bootlegs que je vous propose d'écouter. Plus de deux heures d'émission. Johnny avec quelques passages télé, radio et puis aussi live. Nous sommes toujours en tournée d'été, nous sommes à présent en 1995 à Nîmes, dans les arènes de Nîmes, le 20... Non, même pas, c'était un chapiteau couvert, c'était couvert là, puisque c'était le 29 novembre 1995. Et la tournée d'hiver donc de ce Laura Datour. Deux titres qu'on va écouter, Hommage aux Sarah et Heartbreak Hotel. Oh, Il a une patate, cet enculé. Oui, il a dit. On l'entend bien. Ça sent la petite partie unplug. Et vous êtes toujours sur RIG dans l'émission Johnny 2 à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Je vous rappelle aussi que le 23 juin, ça sera, on fêtera les 20 ans de l'émission Johnny 2 à Z. Ici, sur l'antenne de RIG, en direct, bien sûr, avec quelques invités, comme en principe Jean-François Chenu, j'aurai aussi Frédéric Quilonero. Alors vous avez le choix ce soir de vous faire dans l'unplug, de vous faire ou des slow ou du rock'n'roll. Vous avez envie de quoi là? Vous Anime, vous avez envie de quoi? Ulma e Lucica, l'astro d'argento, la sigla l'onda, a tua spero il vento. Vedi calagine, I've been waiting long so I could die. En française que je vais vous faire. Le big man en est parti, j'ai trouvé un coin pour pleurer. En bas au bout de la rue de l'hôtel, les cœurs brisés, je me sens si seul, tu sais. Je me sens si seul, oh, je me sens si seul, que je pourrais mourir. Les larmes du groupe sans cesse, le portier tout en noir, sont restés si longtemps là-bas, donc on pourra plus jamais les revoir, et ils sont si seuls, si seuls, je me sens si seul, que je pourrais mourir. Ah! I feel so lonesome, baby. I feel so lonesome. I feel so lonesome. Lonesome, I could die. On va quitter les arènes de Nîmes couvertes, elles étaient couvertes pour le mois de novembre, pour rejoindre Johnny Hallyday à Clermont-Ferrand. C'était le 30 juin 1999. dire du Stade de France, hein, qui l'a mené un peu partout, qui l'a mené sur toute la France. Il reprenait évidemment Rock'n'Roll Man. On l'appelait le King of Rock'n'Roll. Il était devenu unique. Quand il chantait, on a conseillé son nom. Et les filles ne venaient pas. C'était un rock'n'roll, mais c'était un rock'n'roll, mais je le vivais, je le vivais. Ce rock'n'roll, mais secondes, on va retrouver Junaïd, toujours à Clermont-Ferrand, avec le titre « Cet homme que voilà ». Johnny de AZ, l'émission du mercredi soir, du 22h à minuit, ici, sur antenne de RIG. Et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais. Tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu, et perdu de remords, pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, c'est comme que voilà. J'ai laissé la place. Je crains mon successeur. Ah, je crois que tu fasses. Tu feras son malheur. Tu te rappelleras. C'est comme que voilà. Je connais ton. À Clermont-Ferrand en 1999. Du 27 octobre au 21 décembre 2003, Johnny se rend dans les villes où la tournée des stades n'a pu se rendre ou celle où il n'était pas possible de doubler les dates. Là, on le retrouve maintenant le 1er décembre 2003 à Douai. En 1993, donc la tournée plus près de vous. Donc vous avez pu voir hier la diffusion du concert de Bercy, datant du 20 décembre 2003, au Grand Rex à Paris. Demain sortira, donc il y aura une diffusion de ce concert de Bercy sur tout l'Hexagone, dans toutes les salles Pathé, Mégarama, etc. Il faut regarder, donc le jeudi 3 juin et vendredi 4 juin, sorti dans le commerce du DVD Bercy 2003, ainsi que le combo CD-DVD, le coffret vinyle couleur, et ainsi que le coffret piano collector limité à 2000 exemplaires, comprenant donc le coffret vinyle, les deux CD, deux DVD, dont un avec le making-of, et on va retrouver dans ce making-of ce titre-là, le titre qu'on écoute. Ce sera les répétitions qu'on verra sur le DVD, c'est « Je la croise tous les matins ». Donc sorti le vendredi 4 juin 2021. Je la croise tous les matins, 5h40, elle va prendre son train, et moi je rentre. C'est comme la chance de naissance. Elle est belle comme les filles du jour. Comme celles qui n'ont rien à cacher. Et moi j'attends toujours. Son train et moi je rentre. la croise tous les matins, 5h40, elle va prendre son train. Et moi je rentre. Le Croise tous les matins, un titre que vous n'entendrez pas donc dans le concert de Bercy 2003. Notre section de tir. Allez, titre suivant, qu'est-ce que tu croyais ? Toujours à Douai le 1er décembre 2003 lors de cette tournée plus près de vous. On va passer en 2006 lors de la première de John Hallyday au Palais des Sports pour ce flashback tour. Il a interprété un titre qui est sorti des tiroirs. C'était le titre Rivière, ouvre ton lit. Tu sais, je te connais. Tu es très belle. Tu es prochain de cette émission, Johnny Bootlegs, spécial Bootlegs live sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny 2 à Z. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et toujours cette émission, parlez-en autour de vous. Mais oui, ça me fait du bien. Et puis oui, ça me fait bien d'avoir du monde qui écoute cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite rétrospective de la saison 2020-2021. Bonne nuit à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. R.I.G. Oh, l'anarchiste, c'est vachement toujours de l'exo. In R.I.G. 90.7. Le chercher plus, c'est 90.7.